France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Paul Léoto face à Robert Mallet au tout début des années 50 pour des entretiens radiophoniques, un régal. Paul Léoto, fermé à la reconnaissance? Oui, mais il peut lui arriver de lire avec émotion, il déteste le mot bien sûr, et la manifestation de ce sentiment, avec émotion un poème de Charles Guérin. Il n'a pas d'indulgence, non, mais une mémoire merveilleuse et une grande capacité à retrouver les sensations éprouvées. Entretien Léoto Mallet, une leçon d'interview, encore faut-il avoir face à soi un homme bougon de cette envergure, de cette intelligence et de cette mémoire. À vous d'entrer dans la vie, l'œuvre, les jugements sur ses proches et les confrères en littérature de Paul Léoto. Première diffusion sur la chaîne nationale, décembre 1950. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Vous avez eu d'autres affaires importantes à traiter, à liquider? Ah ouais, j'ai eu une succession de près de 2 millions à liquider. Mais pour l'époque, 2 millions, c'était une somme considérable. Monsieur le marquis m'avait dit, voilà le dossier, sachez qu'il en reste le plus possible pour l'héritière. Il y avait 15 ans que les créanciers attendaient. C'était des couturiers, des chapeliers, cette femme était extraordinaire, Madame de Hénin. Alors je convoquais les créanciers par série, comme ça. Alors, il fut posé 50 000 francs. Alors, il disait au créancier, « Vous savez, la succession n'est pas brillante. Je vous offre 15 000 francs. »« Monsieur, c'est indigne, 15 000 francs. Ma marchandise que j'ai payée, voilà 5-15 ans que j'attends, monsieur. » Alors, n'est-ce pas, ceux qui ne cédaient pas, alors, on les payait intégralement. Oui. Voilà. Et ceux qui avaient cédé... Ils étaient refaits, comme voilà. On peut dire. Oui. Alors, vous travaillez à cette supercherie. Enfin, ah, du bah, prix, c'est le métier. Exactement. C'est le métier. On règle une succession, il faut l'arriver au mieux. Et c'est-à-dire payer le moins possible. Oui. Voilà. En somme, les plus exigeants étaient ceux qui avaient... Les plus malins étaient ceux qui ne cédaient pas. Les plus Vous comprenez, il fallait la main levée de tous les créanciers pour retirer les fonds. Oui. Alors, on était intéressé à l'avoir. Alors, quand on avait des gens solides sur leurs pieds qui disaient, monsieur, moi, je veux être payé intégralement ou non, il fallait bien payer. Évidemment. Voilà. Alors, il n'y a qu'un très vieux jardinier, un homme qui avait à peu près 80 ans. Celui-là, je ne lui ai posé aucune caution. Je lui dis, je vous paye avec les intérêts. Je l'ai payé, celui-là, avec les intérêts. À quel mobile obéissiez-vous? Mais parce que cet homme était sympathique et que, enfin, un malheureux, n'est-ce pas, qui vivait pauvrement, qui avait travaillé, qui n'avait jamais été payé, j'ai trouvé que vraiment, non. Tandis que ces couturiers de la rue de la Paix, ces chapeliers... Alors vous avez voulu que ce pauvre homme ne soit pas perdant? Il était ravi, il s'y attendait pas, malheureux, voyons. Après 15 ans, il ne s'y attendait pas à ça. Mais dans ces grosses affaires, monsieur le marquis, vous laissez une grosse responsabilité. Oui, sans doute une rétribution importante. Non, j'avais 150 francs par mois. 150 francs par mois. Oui, pour l'époque, c'était déjà une somme assez... Ouais. Assez coquette. Et pourquoi avez-vous quitté cette profession qui semblait correspondre tout de même à vos goûts et à vos facultés de... Ah ben, j'ai quitté ça votre esprit critique et... J'avais en face de moi un collègue. Alors, il s'en va en vacances. Bien, un mois, n'est-ce pas? Et puis, au bout de quelques temps, je m'aperçois que le fondé de pouvoir et le comptable tenaient des messes basses. Alors, je lui dis, enfin, qu'est-ce que vous avez là-bas comme ça, jacassé en cachette? Enfin, je les tourne au boule tellement que le comptable me dit, « Barboter 42 000 francs au patron à l'aide de fausses signatures et de majoration de prix de jugement, de gros jugement. » Il était toujours en vacances. Alors, je dis, écoutez, moi, il m'a dit, gardez-moi donc ça dans votre tiroir pendant mon absence. Je n'ai même pas regardé ce que c'est. Je dis, en tout cas, moi, je ne voudrais pas qu'on soit dans le lieu. Je dis, voilà ce qu'il m'a confié à garder. Et de plus, je me mets à dire comme ça, au fond de pouvoir. Je dis, écoutez, je n'ai jamais pu rien soupçonner. Maintenant, je dois vous dire que même si je l'avais découvert, ce n'était pas mon affaire de le dire. Je lui aurais peut-être dit à lui-même, mon ami, vous avez tort. Mais quant à aller... Le dénoncer. Jamais. Bon. Alors, on m'avait promis de l'augmentation au bout d'une année d'emploi. Quand l'année est expirée, j'ai été trouver mon fourrier de pouvoir. J'ai dit, monsieur Mao, vous vous rappelez, l'année est expirée, on m'a promis l'augmentation. Vous seriez bien aimable, si vous vouliez, dire un mot à monsieur le marquis. Il m'a dit, je ne ferai jamais aucune démarche pour les gens qui approuvent les voleurs. Je dis même, monsieur Mao, je n'approuve pas les voleurs. Je dis simplement que je ne suis pas chargé de faire la police. Oui, il a trouvé que vous aviez un peu pactisé avec lui, ouais. Même... Alors, il n'a pas demandé silence. L'augmentation, je donnais ma démission. Alors, monsieur le marquis m'a dit, écoutez, voulez-vous continuer à vous occuper de l'affaire, venir le matin seulement, si vous voulez, je vous donnerai une gratification à la fin. Alors, je continue à venir tous les matins jusqu'à l'achèvement de la liquidation de la succession de Hénin. Oui, mais vous n'avez plus un emploi fixe. Non. C'était environ en 1903, je crois. Oui. Oui. Oui. Et vous êtes entré au Mercure en 1908. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme situation en sortant de cabinet de monsieur le marquis? J'ai vécu de ma gratification. Pendant que vous étiez dans cette étude et dans ce cabinet d'administrateur judiciaire, je crois que vous teniez complètement à l'écart de votre activité littéraire tous vos collègues. Oui, oui, oui. Vous avez dit, dans un de vos textes, « Ai-je besoin de déclarer que clerc d'avoué ou secrétaire d'administrateur judiciaire, on n'a jamais su, chez mes collègues, que j'écrivais ou pensais à écrire ?» Oui, oui. Personne ne l'a jamais non, su. Non, jamais. Et pourquoi vous cachiez-vous de mais cela? Pourquoi l'aurais-je dit? Bon, vous auriez pu rencontrer dans ce milieu quelqu'un qui s'intéressait aussi aux lettres. Non, non, j'ai vu un jour un nouveau collègue, un ami Chaillet, dont le frère fait de la musique, je crois, je ne sais pas s'il est encore. Et alors, ce Chaillet avait découvert que j'avais des relations au Mercure, un jour il m'a apporté une suite de sonnets imités des Heredia, en me demandant de les remettre. J'ai pris les sonnets, n'est-ce pas? La poésie de Heredia, merci. Enfin, je l'ai remis au Mercure, il n'en a jamais une nouvelle, ni moi non plus. Enfin, vers 1890, quand vous aviez fini votre stage dans la ganterie, vous écriviez des vers. Oui. Vous en écriviez beaucoup. Oui. Alors, de 1890 à 1903, vous avez dû en écrire... Non, ça s'est fini, ça. Ça a été ce que vous avez appelé votre crise élégiaque. Oui. Quel était votre maître à ce moment-là en poésie? Oh, je n'en sais rien. Bon, ça devait être Copé. Ça est très loin. Mais vous ne vous souvenez pas du genre de vers que vous écriviez non, à ce moment-là? Non, je sais que j'écrivais rue Monsieur le Prince, là, sur... quand je vivais avec vos vers, j'écrivais au moins 400 vers par jour. Et qu'en avez-vous fait de tous ces vers? Tout ça a été détruit, brûlé. Et quelles étaient vos sources d'inspiration? J'en sais rien. Oh, tout de même. Une sorte de... Vous n'écriviez pas pour ne rien dire? Je devenais très élégiaque. Oui, mais les élégies s'adressent en général à quelqu'un. Bon. À ce moment-là, vous étiez peut-être, j'emploie un mot que vous avez vous-même utilisé, vous étiez plus dégourdi peut-être. Ah, alors vous aviez déjà... J'avais une très jolie maîtresse à cette époque-là. Ah oui. Qui venait tous les samedis, bon bevère, on prenait ses clics et ses claques, et allait coucher à Meudon chez son grand-père. Il vous laissait la place, ou plutôt il lui laissait la place. Le samedi soir, tout était mis en ordre. Et c'était cette blanche dont vous avez parlé? Ah non. C'était celle qui l'a précédée? Non, précédée, oui. Oui, qui l'a précédée. Alors peut-être que cette jolie fille était l'inspiratrice de vos poèmes. Ouais. Elle ne comprenait peut-être pas. Elle était de quel milieu? C'était la nièce de Gallimardier, la créatrice de Carmen. Je l'avais connue à Courbevoie. Mais elle n'était pas actrice elle-même. Non. Elle est dégourdie. C'est encore un numéro, ça. Et moi, le dernier dénier. Et vous habitiez où, à ce moment-là? Oui, monsieur le prince. Oui, monsieur le prince, vous y êtes resté tout le temps. Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé par habiter avec elle et sa mère, Faubourg Saint-Jacques, en face de la maternité. Et puis alors, un jour, j'ai eu assez de cette société, et c'est là que je me dis, je veux prendre une chambre pour moi tout seul. Et regardez, voilà un exemple de la passion qui m'animait. Je me rappelle qu'un dimanche, j'avais eu une crise de dents, n'est-ce pas? Terrible, malheureuse. Oui. J'ai pris ma canne de mon chapeau, j'ai été me promener, ça m'agaçait. Ça vous agaçait de l'avoir souffert? Ça m'agaçait. ces manifestations... Mais vous savez bien ça, j'ai pris ma canne, mon chapeau, j'ai été promené du côté de Plaisance par là, je ne sais quoi. Bon, c'est curieux parce que plus tard, quand vous avez parlé de perruche... Vous n'avez pas... Ne tenez pas compte de ça. C'est de l'imagination. Mais voyons. De l'invention. Mais voyons. Pourtant, vous dites toujours qu'on imagine bien que ce qu'on sent. Naturellement, n'est-ce pas? J'ai beaucoup parlé de certaines catins, parce que... Non, mais là, vous en parlez au moment où elles souffrent et où vous... Oui, c'est inventé, tout ça. Oui, mais le fait que vous puissiez l'inventer, vous l'inventez, vous le trouvez en vous. Donc, à ce moment-là, vous n'étiez pas accessible à cette sorte de pitié par rapport à la femme. Elle vous agaçait. Et... Quand vous viviez avec elle, quelles étaient vos occupations le dimanche, vous... On se promenait, on allait au concert rouge qui était à la place de la garde des Sceaux. Vous n'avez pas connu ça? Non, non. Ils ont été aussi très tournant. Puis on se promenait au Luxembourg. Mais en somme, avec elle, vous pouviez parler de toute autre chose que de littérature. Et c'était avec Van Bever pendant toute la semaine que vous pouviez discuter. Oui, oui, oui. Et puis le dimanche, c'était un autre genre de discussion. Oui, oui. Il n'y avait pas de discussion. Non, il n'y en avait pas. Je fais ça comme ça. Et les vers que vous écrivez, j'y reviens, et qui, d'après ce que vous dites, vous ne le redites plus maintenant, mais vous l'avez écrit dans votre journal, étaient inspirés de Copé. Vous dites même que vous alliez flâner dans le quartier de Saint-François-Xavier, ah, oui, autour de la maison de Copé pour le voir. Ah oui, ça se peut. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Et à quel moment avez-vous eu le désir... Le premier désir d'être imprimé, puisque quand on écrit, le désir qu'on a, c'est d'être enfin publié. Eh bien, c'est le jour où j'ai passé des vers à la lettre. Oui, c'était donc en 1895. Oui. Et vous aviez donc gardé quelques vers, vous m'avez dit que vous les aviez tous détruits. Ah non, mais ça, c'était autre chose. À cette époque-là, j'avais quitté ces domaines élégiaques, tout ça. Oui. Voilà. Vous étiez un poète plus symboliste à ce moment-là. Oui, oui. Votre maître était devenu, je crois, Mallarmé. Oui, oui. C'est comme ça que je fais la connaissance de Valéry, je l'ai dit, n'est-ce pas? Oui, mais plus tard. Mais avant d'être introduit au Mercure de France, vous aviez connu Lugnepo. Ah oui. Puisque c'est lui qui vous avait donné une lettre d'introduction. Oui, mais ah ben ça... Comment l'aviez-vous connu, Lugnepo? Parce que Van Bever était secrétaire chez lui. Que faisait à ce moment-là Lugnepo? Quel était son... Il jouait Ibsen. Il jouait Ibsen, oui. Ouais. Et Van Bever était son secrétaire. Oui. Alors Van Bever avait montré vos vers à Lugnepo... Non, non, non, rien du tout, rien, rien. Vous avez donné un mot d'introduction. Non, j'ai dit un jour à Lugnepo, écoutez, je voudrais aller au Mercure, donnez-moi deux lignes d'introduction. Comme on voyait, je voyais Valet à toutes les représentations, n'est-ce pas? Alors, il vous a donné cette lettre? Oui, et que Valet m'a dit, mais il n'y a pas besoin, il n'y a besoin d'aucune introduction pour venir dans cette maison. Oui, la seule introduction, c'était vos vers, oui, valables ou non. Oui. Alors, vous avez laissé vos vers à Valet? Qui les a lus et qui, je crois, les a acceptés. Oui. Ça a dû être pour vous une grande joie. Il les a publiés quelques semaines plus tard. Oui, oui. Ces vers, je les ai retrouvés. Ouais. Ces vers s'intitulent Vieillesse. Vieillesse? Oui. Ça m'étonne. Ah non, je me trompe car vous-même, vous m'avez fait me tromper. Votre première collaboration à une revue n'est pas au Mercure de France, mais dans un journal qui s'appelle Le Courrier français. Ah. Et elle date de 1893. Vous y avez publié là un poème qui s'appelle Vieillesse. Ah. Et ce poème est encadré d'un côté par un poème de Raoul Ponchon et de l'autre par une caricature de Villette. Et je vais vous en lire les quatre premiers vers, ah, si ça merci. Vous amuse. Non, vous ne voulez pas. Vous ah, ne voulez non. même pas que pour l'auditeur. Ah non. Non, vous vous y refusez. Oh, absolument. Pourquoi? Enfin, alors, je dirais simplement que dans ce, vous avez peut-être raison, car je crois qu'ils ne sont pas très bons. Ils ont une préciosité de style et très peu d'originalité. Ouais, Ils sont dans le genre élégiaque que vous avez banni complètement. Ensuite, au Mercure de France, alors, vous avez publié, ce n'était peut-être plus le style élégiaque, mais ça s'appelait pourtant Élégie. Oui. Vous ne voulez pas que j'en dise non. quelques vers? Alors, mettons que je les dise non pas pour vous, mais pour l'auditeur, oh, non, je crois, non, à titre d'échantillon. Oh, ça n'a aucun intérêt. Mais si, je trouve que ça a un grand intérêt, parce qu'après ce que vous avez écrit, de voir ce que vous avez pu à ce moment-là. Mais voyons, rédiger... les auditeurs de la radio ne vont pas faire la séparation entre ce que j'ai pu écrire à 40 ans et ce que j'écrivais quand j'avais. Mais s'ils la feront, puisque déjà vous faites la discrimination ouais, en ce ouais, moment. Alors... Vous êtes donc d'accord? Bon, écoutez, n'est-ce pas, je suis d'accord comme une victime. Oui. Eh bien, je ne vais pas abuser de ma victime, je ne lirai qu'un fragment de son élégie. Bon. Voici comment commence cette élégie. Tu m'as dit ta pitié de roses effeuillées, la malade douceur des voix qui sont voilées, et le parfum séché des âmes en oubli. Mon rêve entre tes seins fanés les accueillit, tes mains ont un ennui dont la grâce m'effleure, songeuse, et tu m'es chère à cause que tu pleures, et que se désoler, c'est savoir aimer mieux. Maintenant, voici les trois vers de la fin, il y en a encore beaucoup au milieu. Pourriez peut-être en rester là. Non, j'aime mieux lire ceux de la fin, car il y a une tendance à imiter Mallarmé qui m'intéresse, là. Né de vieux souvenirs, à ton front, diadème, le songe fleurissait du précieux poème, où j'ai paré des mois ta tendresse foulée, et ton cœur de pleureuse, hélas, inconsolé. Comme vous le voyez, c'est une élégie dans le style très floral de l'époque. Ouais, hélas, oui. Mais c'est une élégie qui a eu un certain succès, puisque quelques mois plus tard, elle a paru dans le Gil Blas. Ouais, ouais. En face d'un dessin très 1900 où l'on voyait un couple au clair de lune dans des tons roses et mauves. Ah. Les plus heureux effets. Et dans cette élégie dont j'ai lu quelques vers, je me permets de relever quelques réminiscences ou tout au moins quelques imitations involontaires. Par exemple, la malade douceur des voix qui sont voilées se ressemble à du Verlaine. Si l'on veut, avec cette allitération, ouais. Les voix qui sont voilées. Ouais. Quant au front, diadème, c'est du Mallarmé. Ouais. Et ton cœur de pleureuse, hélas, inconsolé, ça pourrait être du sa main. Bon. Vous le reconnaissez également ? Oui. Oui. Vous le constatez et le déplorez. Non, je... Oui, oui enfin. Évidemment, ces vers reflètent l'époque, dans ce que cette époque a d'un peu mièvre, d'affecté. Ce sont des vers symbolistes qui prouvent combien vous avez subi l'influence du milieu. Quelques mois plus tard, nous sommes en septembre 96, vous publiez de nouveau dans le Mercure de France un sonnet. Ah, le oui. Mot en lui-même signifie que vous adonnez à une poésie extrêmement classique. Mmh. De ce sonnet, je ne vous lirai rien pour ne pas vous ennuyer outre mesure. Mmh. Et nous en sommes à cette époque 1890-92. Vous aviez alors 20 à 22 ans. Vous écriviez, avez-vous dit, 100 à 150 vers par jour. Sur une table que Van Bever appelait, je crois... L'établi à rime, oui. Oui, c'était quand nous vivions rue Monsieur le Saint. C'est ça. Je crois que c'était bien avant ça. C'était avant le service militaire. Vous déplacez les choses. Oui. Enfin, je déplace peut-être les choses, mais les faits sont là. Vous avez écrit pendant une certaine période 100 à 150 vers par jour. Oui. Alors, je voudrais vous demander... Puisqu'en somme, les vers que vous avez publiés au Mercure sont l'aboutissement de tout cet épanchement lyrique, je voudrais vous demander quelle était la cause de toute cette production poétique. Oh. Est-ce que c'était simplement un jeu de l'esprit, une ambition poétique? Non, j'étais porté à ça. Et je me rappelle que j'ignorais absolument à cette époque-là ce que c'était que l'hiatus et la césure. Et c'est un ami avant Bever qui est venu un jour nous voir, Monsieur le Prince, à qui j'ai montré quelque chose, et qui m'a révélé ce que c'était que l'hiatus et la césure. Dans les poèmes, en tout cas, que vous avez publiés, vous ne pratiquez pas l'hiatus, ou plutôt vous respectez les règles. Ah oui. Alors vous écriviez des vers, en somme, instinctifs, qui auraient peut-être été beaucoup plus intéressants de publier que les autres. Non, voyons, hein. Enfin, à côté de l'influence de Mallarmé, dont vous avez dit, Mallarmé fut mon maître. Ouais. Quels étaient les autres poètes que vous fréquentiez, en les lisant? J'avais lu beaucoup Baudelaire. Vous aviez lu beaucoup Baudelaire, Beaucoup. Baudelaire a été pour moi quelque chose pendant très longtemps, n'est-ce pas? Mais je crois que les romantiques s'attiraient que votre réprobation. Je n'ai jamais fréquenté. Mais c'est le seul romantique que j'ai fréquenté. Oui, si on peut appeler Baudelaire, un romantique, c'est tout de même. Oui, c'est un romantique. Oui, c'est le début tout de même de la poésie moderne. J'aimerais savoir si Mallarmé, après vous avoir stimulé, si ce n'est pas lui qui vous a au contraire découragé par l'espèce de perfection qu'il atteignait. Non. Vous le dites, je ne sais pas. Enfin, vous reniez peut-être ce que vous avez dit, mais j'ai trouvé un texte de vous dans lequel vous écrivez « Celui-là fut mon maître. Quand je connus ses vers, ce fut pour moi une révélation, un prodigieux éblouissement. Mais en même temps qu'il me montra le vers amené à sa plus forte expression et perfection, il me découragea de la poésie. » Oui, j'ai écrit ça. Mais vous avez écrit ça dans votre journal en septembre 1898 et vous l'avez publié dans le Mercure de France de janvier 40. Oh, c'est inouï. Mallarmé, qui était donc votre maître, vous ne l'avez pas connu, je crois. Non. Vous ne l'avez jamais rencontré? Si, une fois au palais de justice avec Whistler, à propos de la pensée qu'avait Whistler. Et lui avez-vous parlé? Oh, je... Non, mais je croyais que vous l'aviez rencontré une autre fois à une messe de Boudelin de Verlaine. Ah non, je l'ai rencontré à vos obsèques de Verlaine. Et je crois que Valérie, enfin plutôt que c'est par l'intermédiaire de Mallarmé, de façon indirecte, que vous avez connu Valérie. J'aimerais que vous racontiez comment, au sortir d'un mardi de Rachilde, je crois. J'ai connu Valérie au Mercure. Oui, non, mais je crois que vous aviez parlé avec lui de Mallarmé. Oui, en sortant un jour à un bureau de tabac, n'est-ce pas? Et alors, il s'est mis à parler de Baudelaire. Et à cette époque-là, il faut croire que j'étais encore faire une Mallarmé. Je lui dis, oui, Baudelaire, mais il y a Mallarmé. Voilà. Et alors, ce qui l'a conquis tout de suite. Oui, puisque lui était un grand admirateur et, ouais, et un ami. Et est-ce qu'il n'a pas voulu vous emmener au mardi de Mallarmé? Il devait m'y emmener. Oui, et Mallarmé est mort avant. Mallarmé est mort. Oui. Il devait aussi m'emmener chez Bismarck. J'ai échappé à ces deux individus. Et je voudrais savoir si Rimbaud vous avait impressionné à cette époque. Non, ne parlons que des vers réguliers de Rimbaud, car le reste, je n'ai jamais pu le souffrir. Mais j'ai vivement constaté, ou enfin apprécié, ce n'est jamais qu'une opinion personnelle, que le bateau ivre était d'une fausse profondeur. Mais c'est une impression que vous avez de maintenant, ou déjà tout, oh, tout je jeune l'ai vous eu l'avez... très vite. L'avez eu très vite. Oui. N'est-ce pas? Il y a un passage, vous connaissez un peu le bateau ivre? Oui. Quand il dit, et parfois j'ai cru voir ce que l'homme a cru voir, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est du chiquet. Je me suis dit, ça, c'est de la fausse profondeur. Mais je n'ai jamais vous n'avez apprécié. Pas senti l'accent de sincérité chez Rimbaud? Non, l'accent de sincérité. Non, je n'ai jamais apprécié chez Rimbaud que les chercheurs de. Oui, c'est d'un réalisme qui plaît assez ah à oui, votre mais sens enfin, de l'anecdote. Oui, mais et puis enfin, il y a une musicalité là-dedans tout de même. Oui. Quand le front de l'enfant, plein de rouge, tourmente, implore les seins blancs, les rêves indistincts, il vient près de son lit de cette longue sœur charmante. Vous aviez beaucoup aimé ce texte puisque vous l'aviez appris par cœur. Mais peut-être je ne l'ai pas appris, je l'ai retenu. Tout ce qui m'a plu dans la vie, je l'ai retenu. Je n'ai jamais rien appris. C'est pour ça peut-être que vous avez oublié alors vos poèmes, parce que vous ne les aviez pas aimés. Et est-ce que vous aimiez Verlaine? Ah oui. Du reste, le journal que j'ai publié dans le Mercure débute par ce bouquet de violettes que j'ai oui, justement, j'aimerais que vous nous rappeliez ce petit fait. Je crois que vous ne l'avez rencontré que de cette façon-là, sans lui parler. Ah, bah, je l'ai vu souvent, Verlaine. Je l'ai vu au Café du Soleil d'Or. Je l'ai vu souvent au boulevard Saint-Michel. Et vous n'avez jamais eu d'entretien avec lui? Oh non, non. Je l'ai vu aussi souvent au Café François Ier. Et puis alors, un jour, à midi, à cette époque-là, j'habitais rue Amiot, que je retournais à mon travail, je ne sais plus où j'étais. Alors, je l'ai vu installé avec cette Jenny Krantz, au café. Alors, quoi, les rues Suflot? Enfin, il était là. Alors, je me suis arrêté devant la pâtisserie Ponce, qui est de l'autre côté, n'est-ce pas? Oui. J'ai acheté un bouquet de violettes et je l'ai envoyé porter par un gamin à Verlaine, à la terrasse. Et quelle a été la réaction de Verlaine? Alors, il l'a porté comme ça à son épaule. Et alors, il cherchait partout. Et moi, j'étais pressé, j'ai continué mon chemin. Voilà. Vous avez voulu lui rendre un petit hommage. Oh. Et est-ce que vous avez assisté à ses obsèques en 96? À Verlaine? Oui. Oui, oui. Et en compagnie de qui étiez-vous à ces obsèques? Il y avait Copé, il y avait Barrès. Enfin, c'est là que Mallarmé a commencé son discours. La tombe aime tout de suite le silence. Et ça a duré une heure. Oui. Et puis alors de là, on est allé dans une sorte de restaurant de l'avenue de Clichy qui avait une réputation. Qu'est-ce que vous êtes allé y faire? Vous êtes allé y déjeuner? On est allé déjeuner, oui, avec... avec Mallarmé, avec Valette, enfin tous les gens du Mercure. Moréas n'assistait pas aux obsèques de Verlaine. Ah, je ne me rappelle pas. Mais je crois que Moréas, lui, vous le voyez assez souvent. Ah, je l'ai vu beaucoup. Oui, vous entreteniez même des rapports amicaux avec lui. Je me suis promené avec lui, c'était un individu charmant. Je me rappelle qu'un jour au Mercure, j'énumérais tous les principaux poètes de langue française et à chaque instant, il disait « Oh !» Il ne voit rien. Je finis par lui dire à la fin, parle maintenant que vous avez pris à chacun ce qu'il avait de bon, il ne mène plus rien. Et il m'a dit, il est terrible ce livre. Je vais vous raconter une anecdote qui est toute à l'estime de Moréas. Quand il a quitté la Grèce, un nommé. Oh, ce fabricant de canons grec. Zaharoff? Oui, Basil Zaharoff. Basil Zaharoff, oui. Lui a fait une pension de 150 francs par mois. Alors Maurras est arrivé à Paris. Et puis, il a connu Maurras. Et Maurras, au bout de, si vous voulez, 6 ou 8 mois, ou peut-être un an, lui a fait avoir un feuilleton hebdomadaire à la Gazette de France. Et Maurras a écrit sur le champ à Basile Sarrat, « Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de trouver une petite collaboration qui me rapporte exactement 150 francs par mois. Et en vous remerciant chaleureusement, je vous prie de ne plus continuer. » Me verser cette petite pension. Basile Sarrat. N'en est pas revenu. N'en est pas revenu. Oui, c'est un exemple de désintéressement assez rare. Ah oui. Et dans tout ce mouvement symboliste, où vous figuriez, que vous le vouliez ou non, et où vous teniez une place, dans tout ce mouvement symboliste, avez-vous senti un élan, enfin quelque chose de nouveau qui pouvait émanciper la pensée? Je ne me suis jamais occupé de ça. Vous n'êtes jamais occupé de cela? Voilà. Mais le mouvement symboliste existait, évidemment. Oui, mais moi, j'y ai vécu en plein, n'est-ce pas? Oui. Mais j'étais absolument en retrait. Ça n'a jamais pris sur moi. Ah, tout de même, vos poèmes sont l'expression d'une influence. Oui, mais tellement passager. Oui. Mais est-ce que vous avez là maintenant, vous avez l'impression que le symbolisme a été un mouvement qui véritablement a contribué à émanciper l'expression poétique? Oui, vous savez, le symbolisme était fait d'une influence de Burgeois, les pré-raphaélites, n'est-ce pas? Oui. Et puis, Walt Whitman. Oui. Voilà tout le symbolisme. Oui, l'origine du symbolisme. Oui. Mais ensuite, on a souvent dit qu'il avait été composé de tous ceux qui ne voulaient s'affilier à aucune école. Il était l'école de ceux qui n'en voulaient pas avoir. Oui, on a toujours dit aussi que le mouvement symboliste était une réaction contre le naturalisme. Oui. Et ce que vous devez lui reprocher, c'est sans doute ce qu'il comporte de bizarrerie, de morbidité, d'affectation verbale. Du reste, tous, même les poètes les plus symbolistes, tous s'en sont dégagés. Stuart Merrill, Rété, Régnier. Songez que lorsque Mallarmé a publié un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, qui a paru pour la première fois dans la revue Cosmopolis. Tout le Mercure était passionnément mallarmiste. Il n'y a eu qu'un mot, je vois encore la salle de rédaction. C'est de la démence. Et cependant, c'était l'époque où André Gide écrivait à Mallarmé, après avoir lu justement un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, lui écrivait sa profonde admiration et lui disait « Votre poème marquera dans l'histoire de la poésie française ». Oui, vous savez, il faut se méfier des appréciations de... Il faut se méfier de la sincérité de Gide. Ben, c'était une lettre qu'il écrivait tout à fait spontanément. Et oui. Sans attendre grand-chose de Mallarmé. La question n'est pas là. Moi, j'ai plusieurs histoires de Gide à 4 jours de distance, au même auteur. Les compliments, les rintements. Mais parce qu'il voit toujours en tout le double aspect. Et alors il voit ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Et un jour il exprime l'un, un jour il exprime l'autre. Ah oui, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas sincère successivement. Quand on fait ça bibliquement, n'est-ce pas? Quand on écrit une lettre compliment chaleureux à un individu et que 4 jours après dans le Figaro, il y a un article de rintement complet tout de même. Mais je voudrais éviter de situer ce débat sur un plan trop personnel. Et je voudrais vous demander si... Dans cette génération symboliste dans laquelle Gide lui-même était, vous sentiez que vous aviez un rôle à jouer ou si au contraire vous mêliez à tous ces jeunes gens vous disant « je ne suis pas comme eux, j'ai ma personnalité ». Moi, j'ai été accueilli par Belette, n'est-ce pas, de la façon la plus merveilleuse. Songez que tous les dimanches, c'est le Mercure de la rue du Soleil. Mais là, je parle, n'est-ce pas, de l'époque qui a précédé celle de votre introduction au Mercure. Quand vous étiez encore, quand vous fréquentiez peut-être le milieu littéraire, mais vous ne participiez pas encore à la rédaction du Mercure. Oh, je n'ai jamais fréquenté aucun milieu. Mais vous alliez tout de même, quand vous habitiez avec Van Bevere, vous alliez à des générales, vous alliez au théâtre. Non, j'allais au théâtre de l'œuvre, uniquement. Oui. Et c'est là où vous avez vu Ibsen, Maeterlinck. Oui. Et bien là, tout de même, c'était un des endroits où se faisait la pensée française nouvelle. Avec des jeunes un peu excentriques, un peu... Non, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? On allait voir Ibsen, n'est-ce pas? Qui était pour nous un révolutionnaire, n'est-ce pas? Voilà, l'ennemi du peuple, par exemple, n'est-ce pas? Non, on a parlé souvent des soirées du théâtre d'art dont le théâtre de l'œuvre a pris la succession, oui, n'est-ce pas? Le théâtre de Paul Fort et Paul de Camille Fort, Beauclerc. C'est l'Uniepo qui a pris la succession. Oui, ça, je n'ai pas connu. Et là, on parle de ces soirées où la jeunesse livrait en somme des petites batailles d'Hernani. Oui. et où elle faisait preuve d'une certaine excentricité quand ce ne serait que dans ses propos et dans sa mise. Et à ce sujet, je voudrais vous demander, à l'époque, j'ai entendu dire que vous portiez une barbe. Oui, oui. Vous portiez une barbe. Oui, parce que j'étais sorti du régiment où on m'avait obligé à avoir de la barbe. Parce que les chasseurs à pied portaient la barbe oui, à l'époque oui. Tiens, j'ignorais ce détail. Et comment vous habillez-vous avant 1895, est-ce que ce n'est pas l'époque où vous vous affubliez d'une tenue assez excentrique pour aller attendre... Oh non, c'est bien avant, bien avant. Bien avant. C'est quand j'habitais au Monsieur le Prince que j'allais attendre le père Léoto sur les galeries de l'Université française, avec un par-dessus qui n'avait que des trous. Et puis un chapeau claque, l'autre en ressort sur le côté avait pété, avait claqué. Est-ce que vous n'aviez pas des chaussures du répertoire avec Ah des oui, boucles? J'avais apporté une paire de chaussures du répertoire au père Léoto, n'est-ce pas? De merveilleuses chaussures. Mais quelle était la raison de ce travestissement un peu... Pour embêter le père Léoto qui savait combien j'étais pauvre et qui ne l'a fait rien. Ça n'était pas un déguisement symbolique, c'était un déguisement symbolique de votre dénuement et de votre fantaisie. C'était un déguisement filial. Filial. Voilà. Oui. Alors vous vouliez que votre père ait une espèce de honte en vous voyant. Vraiment, il n'a jamais l'air de s'en apercevoir. Et le concierge du Théâtre Français, Leclerc, que j'ai connu pendant des années, qui était toujours sur la porte à fumer son cigare, me dit, mais en fait, pourquoi portez-vous des chapeaux de cette façon-là, n'est-ce pas? Je lui dis, il y avait un ressort qui était... Vous savez ce que c'est qu'un chapeau claque? Oui, bien sûr. Oui. Alors, sur un côté, le ressort avait... Il a claqué, il était penché. Alors je lui dis, je l'ai fait faire exprès. Mais vous n'éprouviez aucune gêne à vous promener dans, pour rien du tout. Dans cette tenue? J'avais même un parapluie réclame que j'ouvrais spécialement. Vous deviez faire sensation dans les rues. Mais je crois que vous avez toujours eu le goût de ne pas vous habiller selon la mode de l'époque, pour ne pas subir l'uniforme. Oui. Je n'ai jamais été assez riche pour ça, non. Non, mais enfin, vous avez toujours eu votre particularité vestimentaire. Enfin, vous n'avez jamais aimé vous habiller comme tout le monde. Non, j'ai toujours été habillé très pauvrement, n'est-ce pas? Fanny m'envoyait quelquefois des vêtements de Calais, et c'était tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Oui, vous n'affectiez absolument aucun genre. Poète... Non. Je serais plus... Si j'en avais les moyens, je serais plutôt aujourd'hui. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir des vêtements à carreaux que je n'ai jamais pu avoir. En ce moment, vous avez une cravate à carreaux. Oh, mais moi, je parle de carreaux, comme ça. De larges carreaux. Oui, très large. Je vous ai raconté l'histoire du pantalon que une soyeuse de Lyon m'avait donné. Oui, vous avez donné, mais vous pouvez la raconter. Et qui ont ouvert, s'est taillé dedans un cache-col. Et après, adieu le pantalon. Oui, il ne restait plus assez de quoi. Voilà. Alors c'est mademoiselle Dormois qui s'en est fait une petite jupe. Bien, nous allons retourner en arrière. Nous allons revenir à cette époque 1895. Je m'excuse de vous ennuyer avec cette marche terriblement méthodique. Et je voudrais vous demander à propos des vers que vous écriviez, si vous les montriez à vos amis. Jamais. Je n'ai jamais rien montré à personne. Mais vous n'éprouviez absolument pas le besoin... Oh, pas du tout. ...de recevoir une approbation. Voilà. Et pourtant, le fait que vous ayez eu le désir de les faire publier... Ah ben, n'est-ce pas, il a suffi, j'ai porté des vers au Mercure, ils ont été publiés. Oui, mais quand vous avez eu le désir de les... De les voir publiés, c'était un désir d'approbation, déjà du directeur du Mercure, et ensuite des lecteurs éventuels. Non. Mais alors, à quel mobile obéissiez-vous? Eh ben, de publier, de commencer. De commencer moi, une carrière littéraire, vous dites toujours que vous n'avez pas voulu... De commencer un endroit où publier. Oui, mais si vous publiez, c'est tout de même pour être lu. Si vous êtes lu, vous cherchez une approbation. Non. Je crois que vous avez oublié à ce moment-là, vous avez eu ambition littéraire. Non, je n'ai jamais eu d'ambition littéraire. La preuve, c'est que je regrette beaucoup le temps où je faisais mes chroniques et dont personne ne parlait. Je préfère beaucoup ce temps-là à aujourd'hui. Non, je crois que vous avez oublié. Comme vous dites souvent, j'oublie ce que je n'ai pas aimé. Je crois que vous n'aimez pas penser que vous avez pu avoir une ambition littéraire. Non, je retrouve très bien mon état d'esprit quand j'ai été voir Valette, j'ai oublié d'aller les faire. Et ça. Voilà. Et de même, quand Valette m'a dit, écrivez donc en prose. Bon, alors j'ai écrit en prose. Et justement, nous arrivons à vos textes de prose. Là, encore des âneries. Non, vous exagérez. Non. Mais enfin, les 4 poèmes que vous avez publiés dans le Mercure ont-ils été les seuls? J'en ai pas publié 4. J'en ai publié que 2. C'est tout ce que vous avez jamais publié comme poème. Oui. Sauf, assez récemment, les épitaphes que vous avez rédigées. Oui, ça, c'est pas des poèmes. Oui, c'est sur le ton satirique. Je voudrais vous demander ce que vous avez fait des centaines, on pourrait dire, des, les milliers de vers que vous avez écrits si vous en écriviez à la cadence de 100 à 150 par jour. Tout ça est disparu dans les fouillis quand... Vous les avez brûlés? Quand je me suis engagé, le père Léoto est venu, il a pris les meubles qu'il y avait là-dedans, il a payé le loyer arriéré, tout ça. Moi, je suis parti, les mains dans mes poches. Oui. Alors, vous avez cessé de publier des vers, mais vous avez conservé cependant encore un certain temps l'esprit lyrique dont vous aviez fait preuve dans vos vers. Et faut-il pas voir la marque de cet esprit dans les essais publiés par le Mercure de France, des essais en prose, et qui s'intitulent « Essais de sentimentalisme ». Ouais, non, j'étais très impressionné par Renan. En tout cas, pas dans ces essais de sentimentalisme. Si, si. Bon, le style en est terriblement mièvre, et il n'a rien du style de Renan, ni dans l'esprit. C'est un côté rêverie. Ah oui, un côté rêverie. Mais je m'excuse, je sais que je vais encore vous mécontenter en parlant de ces textes que vous avez écrits à l'âge de 23 ans et qui vous paraissent dénués de tout intérêt. Mais je vous le répète, ils sont des témoignages. Ils montrent le point de départ et le chemin parcouru. Et ils sont l'exacte expression de ce que vous détestez le plus. Et peut-être que si vous n'aviez pas détesté tellement ce que vous avez écrit, plus tard vous n'auriez pas écrit comme vous l'avez fait. Peut-être. Je veux simplement lire deux ou trois phrases qui résument votre pensée. Je suis aujourd'hui comblé d'indifférence. Souvent, il me semble que même le sourire de la vie m'est un plaisir perdu. Ici, on retrouve un peu d'esprit romantique. Et vous terminez un des plus longs fragments de cet essai de sentimentalisme par cette phrase. Et fuyant cette pestilence de marais que dégage toute société, contemplant, consolé de tant de contingences, la monotone agitation des hommes, simplement, on s'abandonne au silence de sourire. Et tout ça est profondément inepte. Cet essai qui date de 1897 se rapproche, c'est assez curieux, non seulement par les dates mais par l'esprit, de Palude d'André Gide qui a été écrit en 1895. Et il y a même cette allusion à la pestilence de Marais qui est très proche de certaines phrases de Palude. Ah, je n'ai jamais lu ça. Et à ce moment-là, vous ne connaissiez pas André Gide et vous n'aviez pas lu Palude. Pure coïncidence qui prouve l'influence d'une époque sur deux esprits pourtant extrêmement différents, sinon opposés. Je sais qu'à cette époque-là, est-ce que les nourritures terrestres étaient parues? Non, pas encore. Ah oui. Moi, je n'ai jamais pu lire les nourritures terrestres. Vous n'avez pas pu les lire, pour quelle raison? Vous avez essayé, puisque... Non, le livre est venu au Mercure, n'est-ce oui. pas? Bon, je regarde ça, non, non. Que bon. Reprochiez-vous à ce livre? Je ne comprenais pas. Je trouvais ça. Non, non. Vous trouviez que c'était de la rhétorique? Oui, oui, oui. Vous étiez une des nombreuses personnes pourtant averties qui, à l'époque, n'ont pas admis l'importance des nourritures terrestres, car depuis, tout de même, il a fallu admettre que c'était un des livres pivots. Ah. Si vous vous êtes essayé au sentimentalisme, je dis essayé parce que c'est le mot exact, vos essais n'ont pas été concluants. Non. C'est un genre qui ne vous convient pas, c'est certain. Et vous l'avez abandonné complètement. Mais n'avez-vous pas l'impression que vous étiez alors tout à fait vous-même, à l'inverse de ce que vous étiez dans ces essais, tout à fait vous-même dans vos premiers fragments de journal, lorsque vous écriviez? C'est une phrase que j'ai notée parce qu'elle représente bien ce que vous êtes aujourd'hui. Tout ce qui est l'autorité me donne envie d'injurier. Ouais. Et quelques lignes plus bas, Julien Sorel, un modèle. Ouais. Le héros de Stendhal unissait une vive sensibilité à une impeccable logique et je crois que dans ce héros, vous cherchiez vous-même à vous retrouver en vous le proposant comme modèle. Cette réflexion sur Julien Sorel prouve qu'à l'époque, vous lisiez beaucoup Stendhal. Ouais. Et j'en arrive maintenant à vos lectures de prosateurs. Je voudrais savoir, à cette époque, quels étaient les auteurs, en dehors de Stendhal, qui vous attiraient davantage? Nous viendrons tout à l'heure à Stendhal, n'est-ce pas? Quels étaient ces... Renan, Taine et Barrès. Et Anatole France aussi, je crois. Non, pas beaucoup. Et qu'aimiez-vous en Taine à cette époque-là? Ce ne devait pas être le philosophe, c'était plutôt... Ah, tout de même, les philosophes classiques, c'est quelque chose. Ça n'était pas plutôt les récits de voyage aux Pyrénées en Italie? Ah non, j'ai jamais lu ça. J'ai lu c'était les Lettres sur l'Angleterre, de... oui. Thomas Grindorge. Thomas Grindorge m'a ébloui. Et vous êtes revenu sur cette admiration pour Taine, comme sur beaucoup de vos admirations? Non. Non. Vous n'avez pas révisé votre jugement? Non, j'ai relu Thomas Grindor, je l'ai toujours chez moi. Non, non, je trouve ça... Ouais. Et Renan, qu'est-ce qui vous a attiré en Renan? Ah ben, les souvenirs d'enfance. Oui. Et puis, mais non, les pas drames les... philosophiques. Ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce n'était pas les origines du christianisme, l'histoire non, du... Non, j'ai lu ça, Paul. L'histoire enfin, du peuple d'Israël, non? Bon, j'ai lu quelques volumes de ça. Mais les souvenirs d'enfance, la vie de Jésus, et puis les drames philosophiques. Je crois que je n'ai pas changé de vie là-dessus. Quoique je suis arrivé à trouver que Renan est un petit peu trop littérateur. Oui, c'est ce qui me semble, parce que vous aimez le style très direct, oui, et lui, par moments, est un artiste. Oui. Vous n'aimez pas les artistes en littérature. Vous savez, n'est-ce pas, on fait son chemin spirituel sans s'en apercevoir, sans s'en douter. Ce n'est pas parce que les essais de sentimentalistes, je les trouvais mauvais, que je sais si c'est parce qu'il s'est produit autre chose. Oui, parce qu'il n'était pas vous-même. Voilà. Il ne correspondait pas à votre nature. Ouais. Mais justement, tout de même, vous aimiez Renan, et Renan, véritablement, ne semble pas correspondre à tout ce qu'il y a de plus intime en vous. Oui. Alors je suis étonné de voir que vous ayez pu l'admirer, qu'en somme, vous ayez gardé cette admiration. Maintenant, je vous dirai, n'est-ce pas, que j'ai passé, je me rappelle, j'habitais rue de Condé, j'ai passé, si vous voulez, plusieurs années de soirées de lecture, qui sont des choses dont le souvenir me reste merveilleux. Car moi, n'est-ce pas, sorti de l'école communale, je ne connaissais rien, et j'avais une grande curiosité de connaître. Est-ce que vous annotiez vos lectures? Non, jamais. Vous relisiez les textes qui vous plaisaient? Oui, oui. Puis enfin, n'est-ce pas, les choses qui me plaisent me restent dans la tête. Et Renan, vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir ni de l'entendre? Non, jamais. Mais vous êtes allé, dites-vous, un jour, sur sa tombe au cimetière Montmartre. Ça se peut. En même temps que sur celle de Stendhal. Ça se peut. Il est très curieux de voir ce pèlerinage vers deux personnalités si différentes. Oui. Vous avez toujours eu le goût des pèlerinages au cimetière, d'ailleurs. Oui, mais j'en ai acquis l'horreur plus tard. Vous avez donc changé sur ce point-là. Vous savez, quand on approche de la mort, les lieux qui la contiennent sont moins séduisants. Oui, je veux bien le croire. Et pour Barrès, quel était votre sentiment à cette époque-là? Il m'a beaucoup plu. Le jardin de Bérénice et... Du sang, de la volupté, de la mort. Oui. Je me suis arrêté pour Barrès à l'appel aux soldats. Oui. Ah, quand il est devenu l'espèce de nationaliste. Nationaliste, oui. Et de tribun. Je crois que vous n'avez pas aimé l'homme politique en lui. Ah non, pas du tout. Mais je trouve encore le jardin de Bérénice aujourd'hui. Quand j'ai déjeuné chez Mme Gould avec Gide, on a parlé de Barrès. Alors... Cette année, vous avez déjeuné avec lui. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Alors, j'ai parlé du jardin de Bérénice. Si vous aviez vu Gide... Ah, un dégoût, une répugnance. Je lui ai parlé, par exemple, les déracinés, le chapitre sur la mort destiné à Ravian. Ah, il m'a dit, oui, en effet, c'est tout de même quelque chose. Et alors... Il y a pas mal de temps que j'ai découvert un des motifs de la séduction du style de Barrès. C'est l'emploi du pronom démonstratif à la place de l'article. Nous étions arrivés sur ce flanc de la butte Montmartre qui domine la banlieue. Je pris dans mes bras cette petite fille maigre pour la descendre de voiture. Et déjà, la légère curiosité qu'elle m'avait inspirée se faisait plus tendre à cause de notre passion commune pour ce musée de Joignet, ce musée du roi René, d'un charme délicat et triste, comme la petite bouche à peine rosée de cet enfant aux cheveux nattés. J'avoue que je trouve encore ça. Je précise pour l'auditeur que vous venez de dire ce texte de mémoire et non pas que vous venez de le lire, mais car on pourrait croire tellement qu'il est précis dans votre tête que vous l'avez lu. Mais cela prouve que vous l'aimiez énormément. Oui. Et vous pensez réellement que l'emploi du pronom démonstratif ajoute quelque chose d'une séduction? Je trouve qu'un autre écrivain aurait dit « Nous étions arrivés sur le flanc de la butte Montmartre qui domine la banlieue. » Bon. Tandis que lui, nous étions arrivés sur ce flanc de la butte. Oui. Yeah. Enfin, il y a un petit quelque chose. Il y a une petite précision qui est toute proche de la préciosité, mais qui ne fait que l'effleurer. Oui, qui ne fait que l'effleurer, vraiment. Oui. Et c'est ça qui vous... Enfin, ça, parmi beaucoup d'autres attraits du style et de l'art de Barrès qui vous attirait, ou bien était-ce son esprit ? On ne peut pas dire que Barrès avait de l'esprit. Non, je ne parle pas de son esprit, je parle de sa spiritualité, plus exactement. Ah, oui, enfin, vous savez qu'il a été pour les gens de mon âge à cette époque-là quelque chose de prodigieux. Une espèce de chevalier des lettres. Oh. Oui, depuis ce temps-là, il a beaucoup baissé, enfin, dans l'estime des jeunes générations, et je crois que c'est un mépris, ou tout au moins un oubli très injustifié et très injuste. C'est Maurice Martin Dugard qui a publié récemment, dans je ne sais plus quelle revue, une visite à Barrès. Il était très lié avec lui. Et alors, il a tenu un journal. Il en a publié un fragment dernièrement, et Barrès lui a dit « Oh, sans Valéry, il y a longtemps que Mallarmé sera oublié. » Il y a peut-être quelque chose de vrai. Oui, peut-être. Enfin, ça n'est pas sûr. Et pour Anatole France, il y a un phénomène un peu analogue à celui qui s'est produit pour Barrès. Il y a une désaffection actuelle. Et je voudrais savoir si, à l'époque, vous aviez une espèce d'engouement, vous aussi, pour Anatole France. Un jour, avec Van Bever, nous traversions... Ça remonte loin, ça nom de Dieu, vous savez, ça remonte. C'est pas moi. Oh, je crois que nous habitions encore, monsieur le prince. Nous traversions la place du Théâtre Français. Et à cette époque-là, il y avait un petit guichet à côté du Conseil d'État où il y avait un marchand de tapis et de pastilles du Sérail. Oui. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et je me rappelle, je l'ai noté, je crois, je me rappelle que ce jour-là, j'ai dit à Van Bever que je ne pouvais souffrir ni les histoires naturelles de Jules Renard, ni les santons d'Anatole France. Par exemple, la rôtisserie de la Red Pélo qui est faite avec... Je vois, me l'a dit un jour, tout France et dans le compère Mathieu, de l'île Reims. Voilà. Et le crime de Sylvestre Bonnard ne vous plaisait pas davantage? Non. Je crois que d'autres ouvrages d'Anatole France vous ont plu, comme... Ah, il y a un livre qui reste pour moi quelque chose, c'est Les dieux en soi. Oui, mais ce livre a été écrit en 1912, donc à cette époque-là, enfin, vous n'aviez pu évidemment avoir l'occasion de le lire. Et est-ce que vous n'avez pas rencontré une fois Anatole France? Oui, je l'ai rencontré une fois, rue de Seine, en compagnie de Ludovic Lévy. Mais vous lui avez parlé? Oh non. Non, vous l'avez simplement croisé. Oui, oui. Et parmi tous ces auteurs à la mode, à cette époque-là, il y avait également les Goncourt. Oui. Et je crois que vous aimiez les lire. Manuel Salomon. Ah oui. Qui est un très beau livre, tout de même. Il y a longtemps que je l'ai lu, mais... Ce que vous deviez aimer en eux, c'était le côté un peu anecdotique, justement, il décrivait tout le milieu littéraire, artistique. Oui, et puis enfin, Manuel Salomon est un livre, pour ainsi dire, un livre à thèse, n'est-ce pas? L'artiste sur lequel une juive... Mais la main, n'est-ce pas? Et qui dit un zéro. Je croyais que vous n'aimiez pas les romans à thèse. Enfin, j'emploie le mot thèse. Oui, vous voulez dire un roman qui signifie quelque chose, oui, qui exprime. Oui, enfin. Et alors, Zola, vous parlez des romans à thèse. Est-ce que les romans de ça, Zola non, vous jamais touchaient? Jamais plus, non. Vous ne les avez pas lus ou simplement vous les avez tâtés? Oh, j'en ai lu quelques-uns. Non, ça pouvait pas me lire. Son tempérament était en opposition avec vous. Oui. Qu'il avait une force chez Zola, n'est-ce pas? Oui. Et une force, même un prosélytisme, oui, qui vous touchait. Pourtant, vous n'aimez pas du tout qu'on soit prosélyte. Oui. Et nous allons en arriver maintenant à votre auteur de prédilection, à Stendhal. J'aimerais savoir comment vous avez été amené à Stendhal. Est-ce que c'est sous l'influence de quelqu'un qui vous a dit « il faut lire Stendhal » ou bien c'est de vous-même par... J'ai lu la Chartreuse de Parme, enfin... Parce qu'à ce moment-là, Stendhal était encore très peu prisé du grand public. Oui, mais il y a eu Stravinsky. Oui. Mais quand vous avez commencé à lire Stendhal, je crois que les ouvrages de Stravinsky venaient juste de paraître, enfin... Et puis, la correspondance. J'ai acheté pour 12 francs à Bruxelles une édition originale de la correspondance. Ça a été une révélation pour moi. Beaucoup plus que les romans. Et aujourd'hui encore. Mais je crois que ce que vous aimiez déjà en Stendhal, c'est que peu de personnes à ce moment-là l'aimaient. Vous dites, vous dites souvent que vous aimez moins ce qui est aimé de beaucoup de personnes. Oui. Ouais. Et à cette époque-là, on ne découvrait pas Stendhal, mais on pouvait tout de même le prospecter. Il y avait encore beaucoup de livres un peu vierges, en fait, sur lesquels on n'avait pas écrit. Ouais. Chaque fois que j'en rencontrais un exemplaire, je le rachetais. Voilà. Le de Rameau est un de ces livres-là. Je me dis, c'est pas la peine de laisser ça dehors. Je ne vous privez quelqu'un de le lire. Non, je dis, ça tombera dans votre mauvaise main. Oui. Alors. Alors, vous devez avoir une collection de Stendhal très belle chez vous. Ah, j'avais plusieurs éditions originales de la correspondance. J'en ai donné une à Mademoiselle Dormois, j'ai eu bien tort. Non, vous n'avez pas eu tort de faire ce geste, certainement. Si, si, mais elle sera mieux dans mon casier. Mais est-ce que ce n'est pas la lecture de Stendhal qui, à cette époque-là, vous a incité, enfin, vous a donné l'envie d'écrire votre journal? Non. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire votre journal? Oh, je n'en sais rien du tout. Ah ouais, vous avez tout de même obéi à un mobile au début en l'écrivant. Mais non, j'avais ça dans le sang, probablement. Parce qu'à ce moment-là, ce genre littéraire n'était pas à la mode. Mais ça, j'ai commencé mon journal en 1893. Oui, à peu près au même moment où Gide commençait le sien. Ah, c'est très curieux. Ouais. Et exactement à la même époque, quand ce n'était pas à la mode, ouais. Vous avez entamé l'un et l'autre votre journal. Ouais. Non, vraiment, non, je ne sais pas. Ouais, j'ai été porté à ça. Est-ce que c'était pour vous un exutoire involontaire ou au contraire un exercice volontaire pour vous exprimer, apprendre, non, à écrire? Non, c'est une façon de revivre ce que j'avais vécu. Oui, ce n'était pas une discipline. Non, c'est devenu une discipline. Ça pouvait être une discipline instinct. Non, je n'ai jamais eu de discipline. C'est plutôt une discipline aujourd'hui où quelquefois ça m'assomme et je me dis qu'il faut pourtant continuer. C'était peut-être aussi un aide-mémoire personnel. Oui, enfin, non, c'est une façon de dédoublement. Et est-ce que vous aviez pensé à ce moment-là qu'on pourrait le publier, votre journal? Oh, jamais. Vous l'écriviez uniquement alors, pour vous. Oui, oui. Et vous ne le lisiez même pas à vos amis. À personne. Pas plus que vos vers. Oui, oui. Et vous y mettiez le plus intime de vous-même, ou bien est-ce que c'était uniquement un journal littéraire comme vous l'avez intitulé? Oh non, mais non, il y a des choses tout à fait personnelles. Oui, d'ailleurs, j'ai toujours été assez étonné, vous appelez votre journal où l'on voit des passages extrêmement intimes. Touchant à des personnes que vous aimiez. Journal littéraire, ça ne rime à rien. Et pourquoi l'avez-vous appelé journal littéraire? Songez qu'il y a là-dedans des 3-4 pages sur des séances d'un certain genre. C'est un euphémisme d'appeler ça littéraire. Et qu'ils ne sont pas gazés. Ce qui est curieux, c'est que vous avez horreur de la littérature et que votre journal, vous l'avez appelé littéraire. Mais oui, voilà. C'est une espèce de contradiction. Chaque fois que je rentre dans un morceau à publier quelque part, je me dis journal littéraire. Par exemple, je vous ai dit que j'ai écrit un article nécrologique sur le fléau, n'est-ce pas? Oui. Qui n'est pas dans un sac. Bon, eh ben, ça paraîtra dans un paquet de fragments qui s'appelle journal littéraire. Vous pourriez changer à l'heure actuelle, vous pourriez l'appeler journal tout court. Ah, maintenant, non, c'est entré comme ça, n'est-ce pas? Les gens diront que c'est singulier en littérature. Oui, et est-ce qu'en vous, après la crise élégiaque, que j'ai essayé de mettre en évidence après ces essais que vous avez commis, comme on commet des bêtises, est-ce que ne se précisait pas déjà votre conception de l'œuvre littéraire? Non. C'est-à-dire de l'œuvre jaillissant contrainte. Non. Vous me prêtez toujours des choses du domaine moral que je n'ai jamais su. Ah, mais là, c'est pas du domaine moral, enfin, c'est du domaine littéraire. Oui, mais enfin, moral, n'est-ce pas? Non, je dis... Les choses sont venues tout naturellement. Mais oui! Ah, tout de même, dans votre journal, vous précisez à certains moments, je ne sais plus les termes exacts, mais je sens comment il faut écrire maintenant, c'est-à-dire d'un seul trait, dans le plaisir d'écrire. Oui. Il faut être naturel. Ça, oui, bah, naturellement, c'est des réflexions. Mais c'est une conception. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas une conception, enfin, ça n'a pas été préconçu. Oui. Mais vous avez noté ce que vous sentiez, et finalement, c'est une conception quand même. Oui, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rien lu dans ma vie sans regarder beaucoup plus comment c'était écrit que ce que ça racontait. Ben, ça m'étonne de vous tout de même parce Mais si, c'est ça. Un homme de lettres lit beaucoup plus sur la façon dont c'est fait que l'histoire. C'est la déformation. Vous n'avez jamais observé ça pour votre compte? Non, si. Que quand vous lisez... Je l'ai quelquefois regretté d'ailleurs parce que justement on arrive à ne plus assez penser à ce qui est exprimé, mais plutôt à la façon dont c'est exprimé. Moi, c'est en lisant des écrivains de carton que j'ai appris à écrire. Des gens qui pullaient l'adjectif, des gens qui bavardaient, des gens... Alors c'est par réaction, en somme, que vous avez écrit simplement. Oui. Vous avez commencé par les imiter, et puis ensuite vous avez voulu... Ah, j'ai jamais imité les mauvais écrivains. Non, mais les essais de sentimentalisme mal. Sont... Oui, non. Oui. veux dire, vous les avez imités, enfin, quand vous n'avez pas su vous défaire dès le début de mais certaines transverbales. Je vous ai dit que j'ai chez moi, quand j'ai reçu le journal de Gide, le dernier volume, oui. Là, j'ai écrit sur le champ une lettre à Gide, au crayon, qui a au moins 3 pages, n'est-ce pas? Et je n'ai pas encore eu le courage de la mettre à l'angle, j'ai envie. Mais je lui donne des leçons de style. Je lui dis, vous commencez des phrases par « mais ». Mais c'est une faute. Vous commencez à la ligne par « l'on », l'apostrophe-n. Mais c'est une faute. Oui, évidemment, l'hiatus n'est pas à éviter, voilà. Là. Et ça me rappelle toujours ce que j'ai lu un jour de Paulhan. « L'on l'a lu ». L'on l'a lu. Oui, j'ai bien compris. Hein ? Et alors, dans ce... Je m'excuse parce que dans votre diatribe là sur André Gide, ou plutôt contre André Gide, car vous avez vraiment l'air aujourd'hui de lui en vouloir, j'ai perdu le fil de notre conversation. Et je voulais vous demander si vous aviez, à cette époque-là, déjà le goût des mémorialistes. Mais non, je n'ai jamais pensé à ça. Ah si, enfin, vous les lisiez, ouais. Chamfort, Rivarol, déjà à ce moment-là, vous... Oh, Rivarol, je ne peux pas le souffrir. J'ai jamais pu souffrir Rivarol, qui est un homme qui fabriquait le matin, chez lui, les bons mots qu'il devait dire dans la journée. Il n'avait pas la spontanéité et l'abandon de Chamfort. Mais à cette époque-là, vous lisiez Chamfort ? Ah oui. Dangeot, Bachaumont ? Ah oui, Bachaumont. Dangeot, je ne l'ai jamais lu. Mais j'ai lu Bachaumont, j'ai lu Chevrier, j'ai lu... toute cette époque-là. Saint-Simon, évidemment. Oui. Enfin, je voulais vous poser ces questions pour vous faire préciser justement la... l'idéal de littérature, ou plutôt d'absence de littérature, vers lequel vous tendiez, qui était l'expression de la vérité toute nue, dans un plaisir de l'esprit, et presque un plaisir physique. Oui. Et ça, tout de même, ça se précisait en vous. Vous n'appelez pas ça une conception de la littérature, mais c'est tout de même une façon de la concevoir. Oui. Donc, c'est déjà dès cette époque-là que vous avez eu cette façon d'envisager l'art d'écrire. Oui. C'est-à-dire en y mettant le moins d'art possible. Oui. N'est-ce pas, je n'ai commencé à écrire comme j'estime qu'on doit écrire, à Immémorial. Oui, alors un peu plus tard. Voilà. 1905. Immémorial m'a été écrit comme ça, en courant, et je le regrette, parce que c'est pour ça qu'il n'est pas encore en volume. En courant, comme ça. D'un trait de plume. Voilà. Et je me rappelle, quand je l'ai... Alors, je l'ai porté au Mercure, n'est-ce pas ? Puisque j'étais déjà du Mercure. Et je reviens quelques jours après... Qui est-ce qui était là dans le bureau ? Ah, c'était Paul Maurice, un ami de jeunesse de Valette. Alors, il me dit, n'entrez pas, Valette est en train de lire Immémorial sur le manuscrit. Alors, quand il est fini, je suis entré tout de même. Il m'a fait des compliments. Il m'a dit, vous savez, tout ça, ça ne mourra pas. Voilà. Et bien, c'est là que j'ai commencé à écrire. Ça m'a rapporté 100 francs. Vous avez toujours voulu avoir un métier indépendant. Oui. Et j'aimerais que vous expliquiez en quoi vous estimez qu'il est nécessaire pour un homme qui écrit d'avoir un métier qui lui permet d'être libre. Bon, alors n'est-ce pas ? Moi, j'ai toujours eu un métier parce que je ne savais pas où j'allais, n'est-ce pas ? Hein ? Bon. Et puis alors, je le conseille maintenant parce que c'est la seule façon d'être libre. Supposez par exemple que plus tard, quand, par exemple, j'ai été obligé de donner ma démission à la Nouvelle Rue Française à propos de Jules Romain et l'effarouchement de Jacques Rivière. Oui. Si je n'avais pas eu un métier. Oui, vous seriez trouvé dans une situation difficile. Voilà. Mais c'est aussi pour avoir votre indépendance, non seulement matérielle, mais morale. Oui. Votre indépendance totale. Pouvoir écrire ce que vous avez envie d'écrire au moment où vous voulez l'écrire. Oui. Oui. Et quoi qu'au Mercure, ça n'a jamais joué parce que, je vous dis, Valette était un homme exceptionnel. Oui, qui laissait la plus grande liberté à ses collaborateurs. Oui. Je vous ai dit, Immémorial, à sa publication, a provoqué 45 désabonnements, et Valette a dit, cela désabonne, d'autres s'abonneront. Il avait raison. Oui. Voilà donc en 1895, possesseur d'un métier, vous étiez clerc d'avoué, et en même temps, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, comme vous voulez l'écrire. Et vous êtes introduit au Mercure de France, par l'intermédiaire de Lugnepo, qui vous a présenté dans une lettre à Alfred Valette, et Alfred Valette a accueilli vos vers. Ouais. Vous voilà donc au Mercure de France. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que représentait à cette époque le Mercure de France. Pour moi, écoutez, je ne me rappelle pas s'il y avait dit d'autres revues à cette époque-là. Oui, il y avait d'autres revues. Il y avait la revue Blanche, il y avait la Plume. La Plume. Oui. Oui, oui. Il y avait le Centaure. Oh, le Centaure était une revue de luxe. Oui, mais une revue privée. Une revue dans laquelle écrivait Pierre-Louis, André-Gide. Oui, oui, mais ça, c'était une revue d'amis, rédaction assez limitée. Fermée, oui. Oui. Le Mercure de France, à cette époque, était certainement une espèce de phare de la pensée. Oui. N'est-ce pas ? À l'œuvre, je voyais les gens du Mercure. Au théâtre de l'œuvre. Oui, au théâtre de l'œuvre, représentation de l'œuvre. J'ai vu là Arachilde, Valette, Saint-Paul Roux, Stuart Berry, Lloyd Rainier. Enfin, alors, voilà, il y avait un milieu, je me suis dit, je vais là. Oui, c'était le milieu où se faisait la pensée, et c'est là que, automatiquement, vous vous êtes dirigé. Oui, oui, la pensée, il ne faut pas employer des mots comme ça, n'est-ce pas Non, où se faisait l'opinion, si vous préférez. Mais non, il y avait tout de même une opinion. Il y avait un milieu d'écrivains, voilà. Oui, personne. Mais c'est ce milieu d'écrivains qui créait une opinion. Oui. Et cette opinion vous intéressait, c'est pourquoi vous alliez vers elle. Oui, puis il y avait Gourmand. Il y avait Gourmand, Rachilde, oui. Et il y avait Régnier, qui aussi était une personnalité du Mercure à ce moment-là. Oui. J'aimerais savoir quelle était la position du Mercure pendant l'affaire Dreyfus. C'est surtout Gourmand qui en a parlé. Gourmand était... Non, mais Alfred Valette n'avait pas une ligne... Ah, lui, j'étais très fier. Mais est-ce que il semble que le Mercure de France ait dû être pour Dreyfus. Oui, en mais vertu alors, de son libéralisme. Il y avait un homme qui exprimait les opinions dans le Mercure, c'était Gourmand. Et Gourmand a toujours dit « Les deux côtés sont aussi méprisables l'un que l'autre. » Les deux côtés, enfin, quand on est Dreyfus, pour ou contre Dreyfus. Il se valent. Et vous-même Il a publié un épilogue sur Zola qui était... Vous savez... Oui, qui était très dur. Inouï. Oui. Vous l'avez... C'est extrêmement dur. Oui, pour Zola qui pourtant avait pris le parti de la victime. Oui, et enfin, même sur la vie privée de Zola, il parlait qu'il avait épousé sa cuisinière, je ne sais pas quelque chose comme même, ça. Je trouve même qu'il avait exagéré, parce que la position de Zola, à ce moment-là, était très généreuse. Mais oui, mais enfin, il était comme ça. Oui, il était comme ça. Et je crois qu'Alfred Valette demandait à ses collaborateurs que de se conformer à leurs opinions et de ne s'engager qu'eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que le Mercure patronnait les différents engagements sans que... Quelle était votre façon de juger les faits, vous, pendant l'affaire Dreyfus ? Moi, je suis toujours les fusards au suicide du colonel Henri. Vous ne l'étiez pas au début ? Non. Vous ne vous en occupiez peut-être pas. C'est au moment où les faits sont devenus plus virulents. Oui. Vous avez été obligé de prendre une position. Je crois qu'à l'époque, on ne pouvait pas y échapper. Oui. Il fallait être pour ou contre. Oui. Et puis alors, n'est-ce pas ? Je me suis dit, c'est suspect. Pourquoi s'est-il tué, cet homme ? Mais vous n'avez obéi qu'à une raison, en somme, presque... psychologique, ça n'a pas été chez vous un instinct d'être plutôt en faveur de Dreyfus, un instinct de l'humanitarisme, non ? Non. Vous n'aviez pas l'impression qu'il était opprimé ? Non. À ce moment-là, les intellectuels étaient plutôt... Enfin, les intellectuels dits avancés étaient plutôt pour Dreyfus. Oui. Et vous n'avez pas de souvenir de réunions publiques auxquelles vous avez... Je l'ai écrit. C'est une grave faute que j'appliquais le mot intellectuel à des gens. Voulez-vous m'expliquer pourquoi Intellectuel est un adjectif, il n'est pas un nom. Oui, mais c'est un adjectif plus exactement qui est devenu un nom, comme beaucoup d'autres... C'est tout le monde de français. Mais c'est la façon d'évoluer des langues, de transformer les adjectifs en noms. Dites-vous un domestique ou non ? Oui, vous le dites. Eh bien, c'est pourtant un adjectif. On disait autrefois un serviteur domestique et on dit aujourd'hui un domestique. Mais que dites-vous ? Un étudiant ? Ou est-ce que vous le dites ? Oui. Eh bien, c'est ça, c'est un homme étudiant, c'est un adjectif, un participe qui a été transformé peu à peu en un nom. C'est pourquoi je défends mon point de vue pour intellectuel. Et alors, je vous demandais si dans certains milieux, vous n'aviez pas assisté à des discussions, des polémiques au moment de l'affaire Dreyfus. Ah oui. Et n'avez-vous pas assisté à des réunions politiques ? Non, jamais. Vous ne vous intéressiez absolument pas à la politique ? Non, pas du tout. Elle vous laissait indifférent ou... Je me rappelle que, un jour, j'étais au coin de la roue, il venait de se passer un fait sensationnel dans l'affaire Dreyfus. Je crois qu'il venait d'être acquitté, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est beaucoup plus tard, ça. L'acquittement, non, il a été... Sa peine a été diminuée par le tribunal de oui, Rennes. Oui, mais il y a un jour où il a été... Il y a une révision en 99. Oui, il y a un jour où il a été acquitté. Oui, beaucoup, oui bon, vers 1906. Bon. Et alors, je me rappelle que ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire par là, j'étais au coin de la rue de Rouault et du boulevard Montmartre. Et alors, les journaux publiaient l'acquittement, n'est-ce pas? Et je me rappelle qu'il y avait un homme qui dit « Oh! Oh! Oh! Acquitté !» Je lui dis « Mais, ben, monsieur, et pourquoi pas voilà. ?» Donc ça vous a fait plaisir, à ce moment-là. Oui. Vous étiez devenu de plus en plus... Vous connaissez la manifestation de Valérie et de moi, la libre parole? Non, non, non. Oh! Non, je sais que les opinions de Valérie n'étaient pas en conformité avec les autres, avec les vôtres. Ça doit être à l'époque du suicide du colonel Henri. Je vous dirais, à cette époque-là, tous les soirs, Valérie, on se retrouvait et on circulait dans Paris sur les impériales d'omnibus en prenant des correspondances. Enfin, on rentrait à 1h du matin. Bon. Alors, un jour, Valérie me dit, moi, je vais porter ma souscription à la libre parole pour le monument Henri. Bon. Oh, bah, je dis, alors, on va tous les deux à la libre parole. Alors, Valérie donne 100 sous et alors, on pouvait mettre un petit mot. Paul Valéry, non sans réflexion, sans sou. Alors moi je mets Léoto, pour l'ordre, contre la justice et la vérité. Et je dis au type, et je donne 2 francs, et je dis au type qui recevait, je dis n'est-ce pas, on me sera bien conforme. Il me dit, mais certainement monsieur. Bon. Et le lendemain matin, quand j'ouvre la libre parole, je vois, pour l'ordre, la justice et la vérité. On avait supprimé les comptes. Le compte. Alors j'envoie une lettre recommandée à la libre parole. Je suis heureux, en fait, Que vous repreniez vos 2 francs, non? Ah non, non. J'ai écrit une lettre. On m'avait dit qu'on n'en a jamais tenu compte de cette lettre. Non, mais Pierre Quillard a publié un ouvrage sur toutes les souscriptions de la libre parole. C'est divisé par genre de lettres avocats. Et alors, il a reproduit ma lettre commandée. Voilà. Vous étiez le seul à avoir fait une souscription, agrémentée d'une souscription de ce genre. Oui, pour l'ordre. Oui, oui, j'ai bien compris. Contre la justice et la vérité. Voilà. Ce qui montre très bien comment j'étais. Oui, évidemment. Mais ils ont tout de même accepté vos 2 francs. Ils auraient dû simplement vous renvoyer votre argent et oh, mettre non, dans le journal. Vous savez, ça, c'était un petit peu, enfin, une paraphrase du mot de Goethe qui disait « J'aime mieux une injustice qu'un désordre ». Lorsque l'affaire Dreyfus battait son plein et que, par force, vous étiez mêlé au conflit de l'opinion, je crois que vos préoccupations intellectuelles, vous voyez, j'emploie maintenant le mot « intellectuel » comme adjectif, c'est-à-dire comme vous aimez qu'on l'emploie, je crois que vos préoccupations intellectuelles, après vos occupations professionnelles, vous accaparaient beaucoup plus que les avatars de la justice militaire et humaine. Oui. N'étiez-vous pas alors, nous sommes en 1898, en train de préparer un ouvrage en collaboration avec Van Bever? Je préparais les poètes d'aujourd'hui. Oui. Et qui avait eu le premier l'idée de ce livre? C'est Van Bever qui a eu l'idée. Et alors, comme Van Bever savait un petit peu ce qu'on pensait de lui au Mercure comme esprit brouillon, n'est-ce pas? Il m'a dit, eh bien, présente le projet à Valette. Alors j'ai présenté, c'est moi qui ai présenté le projet à Valette. Alors ça a marché. Alfred Valette a dû accueillir ce projet avec beaucoup de sympathie. Oui, il a trouvé. Du reste, c'était une idée merveilleuse. Oui, parce qu'à ce moment-là... Van Bever a toujours eu des idées extraordinaires. Oui, c'était une idée très opportune. Il n'y avait jusqu'à présent sur la littérature symboliste que les livres des masques de gourmands. Oui, oui. Et il n'y avait pas... Qui n'étaient pas des échantillons. Non, et puis les prosateurs y étaient représentés également, et il n'y avait que de tout petits textes qui illustraient les dires de gourmands. Donc, il a eu aussi l'idée des maîtres du livre, vous savez, qui a été un très grand succès. Malheureusement, c'est plein de fautes. Oui, je crois qu'il n'était pas très attentif. C'est plein de fautes. Ainsi, il a mis Champfort dans la collection des maîtres du livre. Eh bien, ça débute par une anecdote qui est racontée à l'envers. Oui, c'est plutôt fâcheux. Voilà. Alors, il vous avait pris en somme pour proposer ce projet. Pour le patronner. C'est ça. Et à cette époque-là, la mode n'était pas encore aux anthologies. Non, non, non. C'était donc une idée nouvelle. Oui, appelait ça, d'ailleurs, je crois, plutôt des florilèges à l'époque. Oui. Des recueils. Et c'est vous qui avez eu l'idée du mot anthologie ou c'est Van Bever? Ah, ça... Le mot lui-même. Il y a une préface où on dit que ce n'est pas une anthologie. Oui, vous dites que c'est un choix. Oui, vous dites que c'est un guide. Différent. L'ontologie est une chose, enfin, qui ne peut se faire, si vous voulez, que très tard, parce que quand le temps a passé dessus et qu'on peut être sûr de son choix, là, ce n'était qu'un choix. Vous appelez ça morceau choisi. Morceau choisi. Oui, morceau choisi. Tout le monde a dit ontologie. Mais du reste, j'ai publié un long article dans Mercure pour encore confirmer ça. Oui, et justifier le choix du titre. Oui. Il fallait en somme cristalliser une tendance. Oui. Par réunir les meilleures manifestations poétiques d'une époque. Oui. Et je suis assez étonné tout de même que vous ayez consenti à vous lancer dans cette entreprise, car déjà à cette époque, vous aviez dépassé le stade de ce que j'appelle l'engouement pour la poésie. Vous y croyez moins, certainement. Oui, oui. Et vous n'écriviez plus de vers. Oui. Mais comment se fait-il que vous ayez en somme contribué... Ah, dans l'ouvrage de librairie. Oui, vous... Uniquement. Peut-être au contraire jugiez-vous que le fait de ne plus écrire était favorable. Non, non. De ne plus écrire de vers. Ne compliquez pas les choses. C'est un ouvrage de librairie. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qui vous a incité à l'entreprendre? Tout de même, c'était... Mais Vorbevers a l'idée. Oui. Bon. Alors, tout de même... C'était intéressant au point de vue matériel. Alors quand Valetta trouvait ça très bien, ça servait à sa maison. Mais évidemment. Et au fond, il n'y a qu'un volume qui réponde vraiment à son titre, c'est le premier volume. Oui. Le reste. Mais je vous ai posé cette question sur ce qui vous avait incité à participer à cet ouvrage, parce que dans votre journal à cette époque, vous avez écrit deux phrases qui m'ont laissé un peu songeur. Vous proposez comme épigraphe à cet ouvrage de poésie deux textes que voici. L'un est de Renan, les poètes, ce sont des enfants qui se sucent le pouce. Ouais. Et la deuxième épigraphe est de Stendhal, l'alexandrin est un cache-sottise. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vois dans votre journal que vous écrivez cela, que d'autre part, vous commencez un guide de la poésie en faisant en somme un grand honneur à la poésie, en lui rendant hommage. Ouais. Alors, j'ose y voir une contradiction. Ah, mais moi, si j'avais été le maître, je l'aurais mis, cette épigraphe. Oui, ça aurait comporté plus de fantaisie, peut-être. Je l'aurais mis sur la couverture. Mais pour composer un ouvrage de ce genre, il faut s'entendre extrêmement bien avec celui... Avec qui l'on collabore. Ah oui, ah mais ça, nous n'avons jamais eu de discussion. Oui, mais vous pouviez ne pas avoir de discussion sur le plan amical, mais sur le plan littéraire, il fallait que vos goûts soient concordants. Plus tard, il a voulu mettre des gens, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a mis par exemple un lieutenant-colonel Drouin. Oui, Drouin. J'ai eu une chicane un jour avec Julien Quin, n'est-ce pas? Je déjeunais chez Benjamin Crémieux dans les premiers mois de 40, n'est-ce pas? Alors, Julien Quin, l'administration nationale, me prend à partie pour certains mauvais poètes qu'il y a dans les poètes d'aujourd'hui. Je lui dis, mais écoutez, je n'étais pas seul, j'avais un collaborateur. Il me dit, trois fois de suite, il me dit, ça ne fait rien, il n'y a pas de chrono sur l'ouvrage, n'est-ce pas, vous en êtes responsable. Et vous avez mis des mauvais poètes. Et je lui ai dit, et vous, vous n'avez jamais rien signé que vous n'ayez pas écrit? Et il a dit, est-il mauvais? Mais je voudrais savoir comment fut désigné celui dont le nom a figuré en premier sur la couverture. C'est une petite question, mais enfin qui a une importance entre deux auteurs. Ouais, eh bien, je l'ai raconté dans les biographies que j'ai publiées. Nous avons joué pile ou face. Oui, parce que vous aviez le même âge à peu près que... Oui, nous avons joué pile ou face et le sort a été pour lui. Oui. Et c'était justice. Ah, c'était justice, le sort, ça ne fait pas la justice. Ah non, c'était justice, c'était lui qui avait eu l'idée. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si à sa place... J'aurais accepté... De jouer à pile ou face. Quand je jouais à pile ou face, j'aurais dit, mon cher, écoutez, c'est toi qui l'as fait recevoir en berger, j'ai entendu, mais enfin, l'idée est de moi. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas dit, eh bien, mets ton nom avant le mien. C'était plus simple. Ben oui, Enfin, vous n'aviez pas été insensible tout de même à ce moment-là au petit désir peut-être de figurer en premier. Et comment vous êtes-vous réparti la tâche? Oh ben, il a pris quelques poètes pour lui et moi quelques poètes pour moi. Pour chaque poète, vous vous chargiez de tout, parce qu'il y avait la notice, la bibliographie et l'iconographie. Et il y avait les vivants, il y avait ceux qui étaient les absents de Paris, et il y avait les morts. Alors vous procédiez de trois façons, évidemment, pour ceux qui habitaient Paris. Est-ce que vous aviez des entretiens personnels? Non, jamais rien. Il avait fait partie du Parnasse au début, seulement ensuite il avait tout de même été un des chefs de l'école symboliste. Ouais. Il est même très curieux qu'un homme comme Verlaine, qui a été traité de poète décalant, n'est-ce pas? C'est très curieux comme la langue est parfaite chez Verlaine. Oui, mais le mot décadent était employé dans un sens qui ne correspondait pas au mais sens... Mais vraiment, vous savez, c'est même surprenant. Moi, je suis émerveillé de la pureté de la langue de Verlaine. Malgré tout ce qu'il peut savoir de fantaisie, de choses même impalpables. C'est une poésie dramatique. Oui. Et alors, vous estimez que Verlaine a fait une poésie qui était une... Enfin, la vraie poésie. Ah, ouais. La poésie à l'état pur. Ah, ouais. C'était « Entretien avec Paul Léoto », propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 21, 25, 28 décembre 1950 et 1er janvier 1951. Notez que les entretiens Léoto Mallet sont publiés au Mercure de France. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, la suite.